Section 81 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 16. Les révolutions de l'Asie, les Turcs, la Chine, l'Iran, l'Asie centrale, des origines à la fin du XIIIe siècle. Première partie, origine des nations turques, par Léon Cahun. Coup d'œil sur la géographie de l'Asie. Quand, après avoir lu dans Strabon les chapitres qui traitent de l'Asie, on cherche sur une carte moderne les noms des peuples, des états, des montagnes, des rivières, des villes que le géographe du premier siècle a nommés et décrits, la surprise est grande, à peine si l'on peut reconnaître quelques noms d'origine iranienne ou sémitique. Tous les autres sont nouveaux et sonnent en langue barbare. L'Ionie est en Turquie d'Asie. Le Taurus s'appelle Giaourdag. L'Hyrcanie est devenue le Kharezm. Il faut deviner l'Oxus et le Yaxart sous leurs noms d'Amou et de Sirdaria. Sans doute les noms de lieux et de peuples ont changé dans l'Europe occidentale et centrale depuis l'époque de Strabon, mais non pas à ce point. Les langues romanes ont succédé régulièrement au gallo, à l'hispano, à l'italo-romain. Les dialectes germains se sont développés en dialectes allemands. Le parler gaélique s'est conservé dans notre Bretagne, en Irlande, en Écosse, sauf en Pannonie, où la poussée asiatique a enraciné le magyar. Et dans les pays entre la mer Égée et l'Eumus, où elle a implanté le turc, l'Europe aujourd'hui parle comme au temps de Strabon. D'autre part, le christianisme, fils adoptif du génie gréco-romain, l'a transformé, conquise tout entière. En Asie de l'ouest à l'est, la langue arabe, de l'est à l'ouest, les langues finno-ougriennes, turques, mongoles, etc., ont tout pénétré, tout désorganisé. L'islamisme, le bouddhisme ont étouffé les anciennes religions indigènes ou importées, et quand les Russes ont conquis l'Asie centrale, ils n'y ont plus trouvé d'autres traces du christianisme que les cimetières nestoriens perdus au fond de la Sibérie. Importance des peuples turcs. Du premier siècle de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours, l'Asie a été plus profondément modifiée que l'Europe. C'est l'histoire de ces modifications que nous allons exposer ici. Les plus considérables et les plus décisives se sont produites entre le 5e et le 13e siècle. Les autres sont les conséquences naturelles de ces changements, dont le principal et le plus énergique élément est l'ancien peuple turc. C'est en exposant les origines des nations turques et leur action jusqu'aux préliminaires de l'invasion mongole vers 1148 que nous pourrons montrer le plus clairement la vie de l'Asie. Il est bien entendu que les peuples turcs sont des agents, des éléments d'action dont le rôle matériel est décisif et dont le rôle moral est limité. C'est la pensée arabe, c'est la pensée chinoise, c'est la pensée iranienne qu'ils ont mises en œuvre. Mais sans eux, dans l'immense Asie, ni la pensée iranienne, ni la chinoise, ni l'arabe n'auraient franchi les frontières politiques au-delà desquelles les a enlevées et confondues le brutal génie d'action, l'emportement militaire des Turcs. Les notions insuffisantes ou fausses qu'on avait sur le passé des peuples turcs ont été modifiées du tout au tout pendant ces 30 dernières années par des découvertes remarquables et par des travaux de premier ordre. Nous rapporterons donc l'histoire de l'Asie du Moyen-Âge à celle des Turcs, qui nous servira de cadre. Classification des langues. Les langues autres que les aryennes et les sémitiques, parlées et écrites depuis le 5e siècle, dans une partie de l'Europe orientale et dans l'Asie continentale, la Chine, l'Inde et l'Indochine non comptées, appartiennent à une famille dont les types les plus éloignés et les plus divergents sont à l'ouest, le finnois et le magyar, à l'est, le mongol et le mandchou. Bien qu'on n'ait pas jusqu'à présent découvert entre ces langues les preuves d'une parenté aussi étroite et d'une filiation aussi régulière que celle dont on s'est servi pour démontrer l'unité des idiomes indo-européens, leur communauté d'origine et leur aire de famille sont visibles. Dans toutes, il est possible de reconnaître les restes et les empreintes d'un ancien état monosyllabique. Toutes sont agglutinatives. Quelques-unes de nos jours même et devant nous passent de l'agglutination à la flexion. Cette famille de langues se décompose en quatre genres distincts, qui sont de l'ouest à l'ouest le finno-ougrien, le turc, le mongol et le mandchou. Le finno-ougrien comprend le lapo, le finlandais, le magyar, les dialectes ougriens entre Oural et Volga, tels que le tchérémis, le bashkir, le vogoul. Au Caucase, les idiomes dérivés de l'ancien abar, avar, et jusque dans les toundras glacées de l'extrême nord, les dialectes samoyèdes. Le turc forme trois groupes. Le premier occidental, qui comprend l'osmanli, l'azéri et les dialectes de Perse. Le second, de beaucoup le plus important, dont le type le plus ancien est l'ouïghour, et dont les représentants modernes sont le Tchagataï, l'Uzbeg, les dialectes tatars de Russie et de Sibérie, le Kachgarien, le Turkmène, le Kirghize, l'Altaïen, le Taranchi, la langue si curieusement conservée que parlent les Juifs Karaïm ou Karaïtes de Lituanie et de Crimée, etc., etc. Le Yakout et ses variétés forment le troisième groupe. Au Mongol se rattache le dialecte kalmouk d'Astrakhan, au Mandchou, le Tongouz et probablement le Coréen. On voit par cette longue énumération l'énorme espace qu'occupent les peuples turcs et leurs congénères, soit à l'état sporadique, soit à l'état de groupe national. On y discerne aussi deux traits de caractère original, personnel. C'est la ténacité avec laquelle ces peuples ont gardé leur langage, et la variété vraiment extraordinaire des sociétés qu'ils ont fondées ou auxquelles ils se sont adaptés. Nulle part jamais, vainqueurs ou vaincus, maîtres ou sujets, les Turcs, les Finnois, les Mongols, les Mandchous n'ont renié la foi au langage national, n'ont oublié le souvenir de la vieille famille. En deux siècles, de l'an 800 à l'an 1000, les Seldjoukides ont changé trois fois de religion, passant du chamanisme au christianisme nestorien et du nestorianisme à l'islamisme. Ils n'ont pas changé de parler. En caractères hébraïques, mais en langage turc, les Juifs Karaïm écrivent le Pentateuque. Pendant des siècles, la vigoureuse population suédoise, par le métissage, par l'éducation, par la religion, a pétri et transformé les humbles Finnois de la Baltique, à tel point que chez eux, les traits même du visage sont devenus scandinaves. Mais c'est en finnois que les rhapsodes finlandais ont chanté leur douce épopée nationale, leur tendre Kalevala. C'est en finnois que Lönnrot l'a pieusement recueilli. Si l'on considère que les dialectes du seul groupe turc n'emploient pas moins de 6 caractères d'écriture différents, sans compter les transcriptions avec l'alphabet russe, l'arabe, le syriaque transformé par les Ouïghours, l'arménien, le grec, l'hébreu et le chinois, auquel il faut ajouter l'ancienne écriture dite tchoudik, aujourd'hui reconnue pour turc. On sera frappé de cette vitalité caractéristique du langage, de cette puissance de conservation et d'unité. D'autre part, la variété, la mutabilité des organisations sociales chez les Turcs et leurs congénères n'est pas moins remarquable que la fixité de leur langage. La différence qui sépare aujourd'hui un Hongrois d'un Bashkir et d'un Samoyède est si énorme qu'on hésite à reconnaître la commune origine de ce citadin, de ce pâtre et de ce sauvage. Pourtant, au Ve siècle, ils ne se distinguaient pas l'un de l'autre. Caractère des types humains. Le mot « race », employé pour définir cette multitude d'hommes, de peuplades et de nations, ne présente aucun sens. Les expressions « race mongolique »,« ougro-finnoise », »,« altaïque », »,« touranienne » ne représentent que des groupes imaginaires ou rapidement formés et rapidement éparpillés dans l'incessante fluctuation des peuples et des empires. Néanmoins, entre tous ces hommes différents, qui parlent les dialectes finnos ou griens, turcs, mongols et mandchous, on trouve le même air de famille qu'on reconnaît entre leurs langages. Tous, quand ils ne se sont pas altérés par le métissage, ont le même visage, osseux, rectangulaire, avec des arêtes vives au front, empâtés, charnus et comme bouffis à la face, secs, pointus, triangulaires au menton. Chez tous, les cheveux sont noirs, rudes et lisses, comme la barbe clairsemée qui n'est jamais floconneuse, même dans le jeune âge. La peau mate, terne, à gros grains et de couleur bise, tetra facies, comme disaient très exactement les latins pour dépeindre la coloration des uns. Chez tous, l'œil, d'un noir brillant, paraît à fleur de tête, entre les paupières fendues en amande allongées, au-dessus de la saillie des pommettes. La paupière supérieure est très courte, comme rentrée sous l'arête vive du front. Cette grosse tête ronde est soutenue par un cou épais, un nuque énorme, enfoncé entre des épaules larges, solides, fortement emmanchées au tronc massif. L'aspect général du corps est lourd, trapu, ramassé. Les jambes sont grêles, arquées par l'usage du cheval chez les peuples exclusivement cavaliers, courtes en proportion du tronc. La taille médiocre, souvent au-dessous de la moyenne, rarement au-dessus. Ces gens de guerre qui ont fait trembler le monde étaient de petits hommes. Tels sont aujourd'hui les agiles japonais et les lourds paysans d'Anatolie. Engoncés dans l'armure nationale sous laquelle ils portaient à l'aise leurs épaisses robes ouatées et que les grossiers surtout de peau mal tannée ou de crin mal ajusté rendaient encore plus disgracieuses, coiffés de leurs casques pesants ou de leurs énormes bonnets fourrés, juchés sur leurs hautes selles étroites et courtes, les Huns, les Turcs, les Mongols, semblaient aux sveltes Européens des nains effroyables et difformes. À tous, ils ont produit cette même impression de surprise, mêlée d'horreur et de terreur. Ne les voyant jamais que dans leurs harnais d'armes, sous leurs guenilles usées par la guerre, les Occidentaux en ont fait un portrait de fantaisie. Les cinq nations turques primitives. Les cinq nations turques primitives, dit Abul Ghazi, sont les Kiptchaks, les Ouïghours, les Kankli, les Kalatch et les Karluk. Les noms des deux premières sont tout à fait caractéristiques. Kiptchak est formé sur un monosyllabe très ancien qui signifie « vide, désert ». Ouïghour est une forme adjective tirée d'un verbe qui exprime à la fois l'action de se réunir, se grouper, et celle de suivre une règle, une discipline. Les Kiptchaks sont les hommes du pays vide, du désert, les gens des steppes. Les Ouïghours sont les hommes réunis, groupés, soumis à une loi, les gens civilisés. C'est au Ve siècle que le premier éponyme ethnique apparaît chez les Chinois. Au VIe, il est familier aux Grecs. Les premiers l'écrivent Tu Kiwe, les seconds Turkoï. Il n'est pas difficile de reconnaître sous les deux orthographes le nom national turc. Dans la même année 569, le roi des Tu Kiwe, d'après les annales chinoises, envoie une ambassade à l'empereur de la Chine et l'empereur romain de Byzance, d'après les annales grecques, envoie une ambassade au roi des Turquois. Le Pé loup et le Nan loup. Les Chinois ont appelé depuis le 1er siècle de notre ère les pays que nous nommons aujourd'hui Kachgari et Dzungari, des routes. Ils les rapportaient à leur position relative des deux côtés du Tianshan et appelaient notre Dzungari Pé-Lou, route du nord, et notre Kachgari Nan-Lou, route du sud. À ces pays, les Turcs donnaient d'autres noms. Ils appelaient la route du nord Bish-Balik, les cinq villes, la Pentapole. La route du sud était Alti-Sheher, les six villes, l'Hexapole. Venant de Chine par la route du nord, on arrivait au séjour des Turcs dans le Turkestan. Ce pays, les Turcs l'appelaient d'un nom commun à leur langue et à celle des Mongols, Tchété, la frontière, les marches. Maître du Pélou et de la Pentapole, on l'était aussi des marches du Turkestan. Il n'en était pas de même au Nanlou. Pour passer du Nanlou dans le pays iranien de Fergana, il fallait franchir les monts glacés, Mouz Tag, le col des pins, Térek d'avant, et de l'autre côté, on ne trouvait d'abord que l'impénétrable forêt, les bois noirs et les marais au sol perfide. Hommes et chevaux s'y perdaient, y mouraient de faim avant d'atteindre les plaines où l'on pouvait courir, gagner sa vie avec son sabre. Alors, mieux valait rester dans le beau pays de la Tarim, ensemencer des terres, creuser des canaux d'irrigation, se grouper en villages. C'était un bon pays pour se réunir, se polisser. Les gens des steppes s'y fixaient, s'y changeaient en réunis, en polissés, en oïghours. C'est là, dans les villes, à Ami, à Tourfan, à Khotan, que le bouddhisme pénétra d'abord venant du sud et de l'est. C'est là qu'il eut à lutter contre les religions étrangères, le mazdéisme, et plus tard contre le christianisme et l'islamisme. C'est là, dans la ville de Kashgar, que fut écrit, 1069, en dialecte oïghour, le plus ancien livre turc qui nous soit parvenu, le Kudatku Bilik, l'art de régner. Les Yung Nu. Au VIe siècle, depuis bien longtemps, les Chinois avaient fait connaissance avec les ancêtres des Turcs et des Oïghours, pratiqué les deux routes du nord et du sud et franchi les marches. Le nom ancien qu'ils donnaient à ces populations était Yung Nu, esclaves rebelles, serviteurs rebelles. Ce mot n'a pas de caractère ethnique ou national. Il n'est ni turc ni mongol, mais chinois et très ancien. Les Chinois appelaient en bloc Yung Nu les peuples, presque tous nomades, qui vivaient au nord du fleuve Huang Ho. La Grande Muraille fut construite en 214 pour protéger la Chine proprement dite contre les incursions de ces barbares. En dehors de la muraille étaient aussi des marches. Quand on a recherché les origines uniques, c'est-à-dire celles des Huns qui sont venus en Europe sous leur Attila, on s'est donné beaucoup de mal pour prouver que ces barbares étaient ou n'étaient pas les mêmes que les Yung Nu dont parlent les Chinois. C'était discuter dans le vide et chercher une solution à un problème qui n'en a pas. Nous pouvons dire à coup sûr que tous les Turcs étaient des Yung Nu, mais nous ne pouvons certainement pas dire que tous les Yung Nu étaient des Turcs. En donnant à Yung Nu le sens général que lui donnaient les Chinois jusqu'au IIe siècle, les Huns étaient des Yung Nu comme les Turcs, les Mongols et les Mandchous. La vie nomade. Il ne faut pas croire que tous les nomades habitaient, comme on dit, le désert, ni qu'ils aient tous mené la même et identique vie pastorale. On n'habite pas le désert quand on peut habiter ailleurs. C'était par contrainte que des tribus de pasteurs, dépossédées par un voisin plus fort, lui abandonnaient les gras pâturages, les vallées ombreuses, les forêts et les prairies grouillantes de gibier, les routes de la terre cultivée et des villes pleines de merveilles. Elles prenaient tristement le chemin de l'exil et de la misère, s'enfonçaient dans les solitudes mornes des landes glacées et stériles. Mais ce n'était pas sans espoir de revanche et de retour. Les légendes primitives des Turcs, leurs vieux poèmes, sans cesse transformés, rajeunis, merveilleusement conservés sous des formes nouvelles jusqu'à nos jours, sont pleins de ces histoires d'exode. Elles se retrouvent jusque dans les noms des nations et des tribus. Ainsi, le nom de Kirghiz-Kazakh est formé de deux mots turcs dont le premier signifie « errant » et le second « séparé de la nation, du troupeau ». La bête qui a quitté la harde, l'homme qui s'est enfui de la tribu, sont des Kazakhs, d'où le mot « cosaque ». Nos ancêtres des Antilles avaient dans leur langage l'équivalent exact, un nègre, marron, un taureau, marron. La nation kirghize a été formée d'errants et de marrons. Un clan marron de Kankli, si durement malmené par les Mongols au XIIIe siècle, les Kéikankli, a fondé l'Empire ottoman. Alors, comme aujourd'hui, le nomade ne vivait pas de ses troupeaux, mais de leurs produits, qu'il échangeait aux sédentaires pour des étoffes, du grain, ou qu'il leur vendait, à denier comptant. Quand il pouvait s'établir dans un pays fertile comme la Pentapole, ou le pays de la Tara, il se faisait volontiers Taranchi, laboureur. Tara ne signifie pas autre chose que les labours. Mais lorsque le sédentaire fermait le marché, lorsque l'épizootie ou le terrible ouragan de neige faisait périr ce troupeau qui portait le nom expressif de mâle, le capital. Lorsqu'un puissant voisin fondait sur la tribu, il fallait vivre pourtant. Alors, quand on était le plus faible, on se résignait, on émigrait, en Kirghize, dans la steppe, où l'on se jetait aux aventures, en kazakh, dans le désert. En turc, le même mot, tchapmak, signifie courir et sabrer. Une fois parti pour courir, pour sabrer, ces Turcs ne connaissaient plus rien, méprisaient les autres hommes. Leurs dictons sont terribles. Le Turc à cheval ne connaît plus son père. Quand le Turc est à cheval, il se croit devenu un grand seigneur. Si l'on sabre la maison de ton père, sabre avec les compagnons. En face d'eux, au sud, à l'ouest, c'étaient les marches, où les pieds des chevaux soulèvent en tourbillon la poussière des braves, la route de Sogdiane, la route de Perse, et la Chine, le pays des splendeurs. Ce vrai pays des Yongnous de la Chine, des Touraniens de la Perse, derrière les marches de l'Oxus, de l'Ili et du Hoang-ho, était coupé par deux grands vides, le Kiptchak occidental, le Kobi oriental. Les deux mots ont le même sens. L'épithète de Kiptchak a été donnée plus tard par les Persans à la Russie méridionale, quand les gens de la lande vide, les Kiptchak, y ont dominé. Le vide de l'ouest s'ouvre entre la Caspienne et l'Ili. C'est le pays des sables, noir, rouge, blanc, du bas-fond. Kara, Kizil, Hak, Batak-Koum. L'Ili, le Tchou, le Sir, l'Amou, les traverses de voies praticables. Entre le vide et les landes, les steppes du nord et de l'ouest, se creuse la mer intermédiaire, l'Aral, car ce mot signifie « qui est au milieu ». Les Toukioués. Les Toukioués, d'après une chronique chinoise de 545, sont une tribu des Yongnous, originaires du pays qui est au nord du Kobi. Nomades, éleveurs de bétail, chasseurs, leurs tentes sont de feutre. Ils savent tanner le cuir et travailler la laine dont ils font leurs vêtements. Ils boutonnent leurs robes de droite à gauche, à l'inverse des Chinois qui les croisent de gauche à droite, ne taillent point leurs cheveux qu'ils portent flottants. Ils sont bonnes gens de cheval et raides archers. Ils ont des arcs de cornes, des sabres et des dagues, connaissent les flèches à sifflet, s'arment de plastron, garnissent leurs ceintures d'ornements en creux et reliefs et plantent une tête de loup en or au sommet de leurs enseignes. Rudes et brutaux, ils ne font point de cas des vieillards, n'estimant que les hommes dans la force de l'âge. Leurs anciens contrats étaient des entailles sur une planchette qu'ils scellaient en y marquant l'empreinte d'un fer de lance. Les caractères de leur écriture ressemblent à ceux des barbares. C'est de leurs planchettes entaillées qu'ils se servent quand ils font la levée des gens de guerre et des chevaux. Quand leurs rois font acquitter l'impôt qui se compose de bétail, ils délivrent l'acquis par l'apposition d'un sel marqué au fer de lance. Ils proclament leur roi en l'élevant par 9 fois sur un tapis de feutre et lui font prêter serment. Ils n'ont ni loi écrite ni procédure régulière, mais rendent justice arbitrairement d'après la coutume. Peine de mort pour complot et rébellion, pour homicide, pour viol d'une femme mariée. Amende et obligation de mariage pour séduction d'une jeune fille. Compensation pour coups et blessures, restitution des objets ou du bétail volé au décuple en nombre ou en valeur. Les femmes de condition ne peuvent pas épouser les hommes d'un rang inférieur. À rang égal, la coutume veut que les parents de la fille ne refusent pas leur consentement à l'homme qui la demande en mariage. Le fils d'un autre lit est obligé d'épouser la veuve de son père. Le frère cadet, celle de son frère aîné. Le neveu, celle de son oncle. Quoique nomade, chaque Turc est propriétaire d'une portion de terre. État social des nations turques. On reconnaît à cette description chinoise une société ayant conscience d'elle-même, déjà organisée, fortement commandée. Le premier caractère de ces Turcs qui saute aux yeux, c'est leur esprit de hiérarchie et de discipline. Chez eux, l'insubordination et le complot sont punis de mort. L'homme ne vaut que par sa force et ses armes. Le vieillard ne compte pas. Ils se font gloire, dit l'analyste chinois, de mourir en bataille. Mourir de maladie est tenu à honte chez eux. C'est bien le fier dicton turc que le mongol Sanang Setzen prête au roi des Karluks. L'homme naît dans la maison et meurt sur le pré. L'homme auquel on doit respect chez eux s'appelle Aka, l'aîné, l'ancien. Dans le sens strictement militaire du mot, c'est le titre Aga, Aga, que les Osmanlis donnent aux bas officiers et aux officiers subalternes jusqu'au grade de colonel. Les caporaux et les simples soldats l'exigent des civils. Le nom Ata, père, ne se donne qu'aux saints et aux religieux qui vivent hors du monde. L'Ata est un père spirituel. Au temporel, le Turc n'a jamais connu que son Aka, son ancien en grade. Leur langue, forte et brève, est merveilleuse sur le rang. Elle sonne les commandements d'armes. Pour dire de prêter attention, le Turc archaïque commande « Tek, fixe !» Vraiment, quand il est à cheval, il ne connaît plus son père, car jusqu'à la parenté par le sang, chez lui, s'exprime par des mots de compagnonnage militaire. Comme il forme le mot « yol dak », compagnon de route, pour dire camarade, le Turc a formé les mots « kengul dak », compagnon de cœur, et « karin dak », compagnon de ventre, pour dire frère de lait et frère de naissance. De là un genre de relation caractéristique et qui n'existe absolument que chez les Turcs anciens et leurs congénères. C'est la parenté volontaire par l'affiliation, le serment. Deux Turcs ou Mongols, appartenant à des clans et même à des nations différentes, peuvent acquérir la parenté personnelle par le serment. Ils s'ouvrent une veine au bras, font couler leur sang dans une tasse et le mêlant à du lait ou à du koumiz par devant témoin. Avec un cérémonial et des formalités prescrites par la coutume, ils boivent chacun la moitié du mélange. Les voilà devenus « handa », le mot est turc et mongol. Chacun des deux frères, par le contrat et serment, jouira désormais dans le clan, la tribu et la nation de l'autre des mêmes prérogatives que s'il était son compagnon par le ventre, et aura envers lui les mêmes obligations, suivant que d'après le serment de breuvage, il a été reconnu pour « aka », frère aîné ou pour cadet. La coutume mongole et turque règle les successions d'une manière toute particulière. L'héritier stable, en quelque sorte fixé au sol natal, est le plus jeune des fils. C'est lui qui est l'otjigin, comme disent les Mongols, le tekin, comme disent les Turcs, le gardien du foyer. C'est à lui que revient la terre. Les aînés se partagent les biens meubles, le mal, le capital, les troupeaux. Dans les familles princières, à côté du capital à quatre pieds, il y en a un plus important qui assure la possession de tous les autres. C'est la bande des gens de guerre. Le chef la lègue, suivant la coutume, au fils de son choix ou la partage, et il n'est pas rare qu'une fille en reçoive sa part. Les voilà tous pourvus, ou à peu près tous, car l'héritage peut être tel que l'aîné est le plus jeune nanti, il se trouve un cadet sans autre bien que son arc, son sabre et peut-être quelque mauvais cheval. Le cadet dépourvu va chercher au loin un père et une mère. Dans les légendes et dans les vieilles rhapsodies, les choses se passent le plus souvent de la façon suivante. Le cadet chevauche loin en loin, arrive à une maison où il trouve une vieille. Le vieux est au champ. Le cadet dit à la vieille « Sois ma mère ». Quand la vieille a consenti, le vieux revient. Le cadet lui dit « Sois mon père ». Et quand il a consenti, le cadet dit enfin « Mes pères et mères, donnez-moi un nom ». Chose caractéristique, l'aventurier turc n'a même pas de nom. Hatziz, sans nom, s'appelle des héros légendaires. Dans l'histoire, deux rois et plus d'un guerrier ont gardé fièrement leur nom sans nom, Datsiz. Dans ces légendes, c'est bien sa vie réelle que l'ancien peuple turc raconte. Comme l'anonyme Hatziz, par milliers, les aventuriers turcs sont venus se proposer à l'adoption chez les rois des Parthes, chez les potentats de Perse, chez les califes des Arabes, chez les empereurs de Chine, chez les seigneurs de Sogdiane, vendant leur épée pour avoir une famille et un nom. Ce sont des cadets turcs anonymes qui ont fondé l'empire des Seljoukides et celui des Osmanlis. « Je suis un empereur chevalier errant, disait le grand mogol Baber, dépossédé de son royaume héréditaire de Fergana. La religion des Turcs. Les Turcs ni les Mongols n'ont jamais été des peuples religieux. L'imagination religieuse, le zèle et l'enthousiasme si ardents chez les Arabes, les Iraniens, les Slaves, n'ont jamais éveillé l'apathie des Turcs, des Mongols et des Mandchous. La religion la plus sympathique à leur flegme est bien certainement le bouddhisme. Ils sont bouddhistes, naturellement, par tournure d'esprit, par tempérament, sans effort. Le bouddhisme est le seul élément religieux dans lequel ils se meuvent avec aisance. Dans l'islamisme, ils sont gauches et empruntés. Assez mollement, sans enthousiasme et sans grande répugnance, les Turcs ont accepté d'autres religions que le bouddhisme. Ils sont devenus mages, adorateurs du feu, manichéens, chrétiens nestoriens, musulmans, un peu au hasard, n'y comprenant pas grand-chose, indifférents à la controverse qui est contraire à leur placidité mentale et à leurs habitudes militaires de discipline. Les religions qu'ils ont définitivement adoptées, ils les ont pratiquées loyalement, sans altération ni discussion, comme il convient à des gens qui appellent la civilisation obéissance et la loi d'État yassak, consigne. Ils les ont défendues en honnêtes soldats, préférant pour argument celui que saint Louis recommande aux laïcs contre les juifs, l'épée dans le ventre. Mais quand on ne les provoque pas, ils ne tiennent pas à controverser. Avant l'introduction du mazdéisme, qui n'a d'ailleurs pas été de longue durée, chez les Turcs des marches iraniennes, du christianisme nestorien puis de l'islamisme, chez ceux des marches occidentales de Chine et du Pélou, du christianisme, du manichéisme, de l'islamisme et du bouddhisme, chez ceux du Nanlu, des confins militaires de Chine et finalement chez les Mongols et les Mandchous des marches orientales, tous ces peuples ont eu des religions plus anciennes, originales, dont les rituels mandchous et les annales chinoises nous ont conservé quelques parties, que les Tchérémis à l'ouest, les Yakouts, les Turcs de l'Altaï, les Téléouts, les Tongouzes au nord et à l'est, ont gardé, malgré beaucoup de modifications, encore suffisamment intactes et dont la substruction est parfaitement visible dans les légendes, les poèmes et les croyances populaires des Kirghizes, des Tatars de Sibérie et autres islamisés, malgré le soin que le rigorisme musulman a mis à en effacer les traces. Le trait original, caractéristique de ces religions, est une très grande douceur, une tendresse familière de l'homme pour le monde qui l'entoure. Comme les anciens Chinois, les anciens Turcs reconnaissent et vénèrent cinq éléments incarnés dans cinq personnes. Les cinq éléments sont la terre, le bois, le métal, le feu et l'eau. Les cinq personnes sont l'empereur jaune au centre, l'empereur bleu à l'est, l'empereur rouge au sud, l'empereur blanc à l'ouest, l'empereur noir au nord. Plus tard, ce dualisme se réduit à deux termes. Le ciel et la terre. Sur la terre, l'empereur des Yongnu, le Khan, Kagan, Khan des camps. Des Mongols s'appelle Tangri Kut, pouvoir du ciel, comme l'empereur de la Chine. L'élément le plus vénéré dans ces vieux cultes était le métal, qui sert à forger les armes, le fer. On le trouve dans toutes les légendes auxquelles les anciens Turcs rattachaient leur origine. C'est probablement le fer auquel les Huns adressaient leurs prières et donnaient pour symbole une lame que les Romains ont appelée l'épée de Mars. À la frontière du pays turc, les ambassadeurs byzantins du VIe siècle assistent à une cérémonie religieuse dans laquelle on leur présente du fer. Les vieux noms nationaux Timur, fer, et Timurtash, compagnon du fer, ont certainement une origine religieuse. Le nom magyar d'Attila, Atzel, signifie forgeron. Au temps de Joinville, on comptait que Gengis Khan avait été forgeron. À cette ancienne religion des cinq éléments, dont tant de traces sont restées jusqu'à nos jours, a succédé celle du Tangri, ciel, en dualisme avec la terre. Que l'imagination populaire ait peuplé la terre et le ciel de génies, d'esprits, de démons, il n'en est pas moins vrai que c'est au Tangri, au ciel, que les Tchérémis de l'ouest, les Altaïens de l'est, offrent encore aujourd'hui leurs sacrifices. Des religions aussi vigoureuses que l'islamisme et le bouddhisme n'ont pu arriver à détruire entièrement chez les Turcs et chez les Mongols les traces du vieux culte dualiste. Encore aujourd'hui, le pointilleux musulman Osmanli dit couramment et écrit Tangri au lieu d'Allah. Monuments écrits et légendes des Turcs. Les Turcs ont conservé dans leurs légendes le souvenir de leurs origines ethniques. Voici la tradition qu'on retrouve au fond de toutes leurs légendes. Il Khan, le roi des peuples, est vaincu dans une grande bataille et les Mongols sont exterminés à l'exception du plus jeune fils d'Ilkhan qui s'appelle Kian, avalanche, de Nokuz, un neveu, et de deux filles. Kian, Nokuz et leurs deux compagnes s'enfuient, traversent des montagnes prodigieuses. Au fond des montagnes est un beau pays, plein de rivières, de sources, de prairies, d'arbres fruitiers et de gibiers. Leurs descendants se multiplient dans ce pays ignoré. Au bout de 400 ans, ils veulent en sortir, mais ne trouvent pas de chemin. Alors un forgeron découvre une montagne de fer à laquelle ils mettent le feu. Le fer se fond et se creuse en sentier, par lequel ils sortent du pays mystérieux où ils ont vécu pendant 7 générations. Ce pays s'appelait Erkenekun, l'ancienne patrie. C'est le Pelou. Le roi qui régnait sur les Mongols lorsqu'ils sortirent de l'Erkenekun s'appelait Burtechene, le loup gris. De lui descend la Vierge, Alan Goa, la biche de lumière, qui conçoit sans père un enfant miraculeux, lequel est, à la 10e génération, l'ancêtre du Tchingis Khan, Genghis Khan. Les Mongols, frères des Turcs, sont donc les descendants du loup gris, et leur famille impériale tire origine de la Vierge, biche de lumière, qui a conçu un fils sans péché. Telle est la légende contée par les Turcs et les Mongols à partir du XIIIe siècle, les uns comme musulmans la faisant remonter jusqu'à Japhet, qu'ils revendiquent pour leur lointain ancêtre, les autres comme bouddhistes intercalant dans la série une vierge auréolée pareille à la mère du Bouddha. L'exode de l'Erkenekun eut lieu vers la fin du Ve siècle. Moins de 100 ans après, nous voyons la nation des Turcs devenue très puissante, en correspondance régulière avec l'empereur de Chine et avec l'empereur byzantin, auquel le roi des Turcs fait tenir une lettre écrite en caractère scythique, Grammatos Tikiton. Ceci se passe en 568. Une inscription trilingue, gravée en l'honneur d'un prince, en caractère paléo-turc zéo-igour, avec la traduction chinoise, a été trouvée récemment dans la vallée de l'Orcon. Elle est datée en chronologie chinoise d'une date correspondant à 732. À cette époque, la plus ancienne écriture turque connue, Grammatos Kitikon, était donc âgée d'au moins 160 ans. Fin de la section 81.